Non, mais je crois que j'éteins la télé là. Ah, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, tu vois. À chaque fois que j'allume un truc, on me parle de GTA. Et je comprends pas le machin, tu vois. Moi, j'aime bien. Bon, GTA, j'ai joué à l'époque. Le 4, le 3, San Andreas, tout ça, y a pas de souci. Mais je me posais la question, mais est-ce qu'ils ont même encore besoin de faire de la publicité pour GTA? Tu vois ce que je veux dire? Ben. Ah oui, compliqué. Allez, je t'en prie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin d'une pub pour GTA, tu vois, le truc, t'as les affiches depuis le mois d'août dans le métro. À quoi ça sert? Tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un là pour nous répondre là-dessus. Moi, ce que je veux dire, Ben, je sais que t'as bossé dans le marketing. Ok, tu vois. Bon, En même fait, si. je pense que les Vas-y. publicités pour GTA, elles servent à ce stade-là plus qu'à une seule chose, c'est de dire que le jeu existe en fait. Pour tous ceux qui lisent pas la presse, tous ceux qui vont à Micromania une fois par an, tous Ouais, ces pour gens-là, connaître la date. on leur dit voilà, le nouveau GTA est là. Il n'y a même pas besoin de faire des arguments en fait, pas besoin de leur expliquer pourquoi c'est bien. C'est juste, c'est pour dire que ça y est, c'est là. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que j'ai l'impression que là actuellement, le monde entier parle de GTA après, d'accord, je veux bien comprendre que du côté de l'éditeur Take-Two, c'est ça, il n'est pas Ouais, c'est besoin ça. Take de Two, faire. qui édite les jeux de Rockstar. Rockstar qui est le développeur de GTA. Exactement, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux n'ont pas besoin. Enfin, je coupe. Voilà. Un truc tout con. On m'a parlé de. On parle de budget sur le jeu. On parle d'un budget de 270 millions. Avec un développement De pur, hein, qui dollars. est de 150 millions, j'en sais rien. Et un marketing qui est de 120 millions. Ce qui veut dire que c'est à peu près le. Un peu plus quand même, ou bien dans les niveaux des gros blockbusters américains, justement, en termes de. Ouais, enfin, de marketing, quoi. Mais ces 120 millions, ils vont où? Puisque moi, j'ai l'impression. Enfin, moi, je te dis, en tant que ancien joueur de GTA, bon, même si celui-là m'intéresse pas trop. Mais j'ai l'impression tout simplement que Take-Two a balancé 3 screenshots, 4 trailers il y a 6 mois, tu vois. Après, ils en ont balancé un il y a encore 2 semaines, tu sais, pour dire bon, voilà, tu sais, pour montrer aussi que le moteur tenait la route, mais c'est tout. Et la question que je me pose, c'est que où est-ce que ces 120 millions sont allés? Enfin, tu me diras peut-être que je suis qu'un Français, d'accord. Je suis qu'un Parisien français, je connais pas C'est le monde. juste que tu vois, quand tu, si, si, tu veux, si on compare, c'est marrant ce que tu dis, l'histoire de 4 trailers. C'est Ouais. effectivement ça, il y a vraiment eu genre 3 ou 4 trailers maximum. Ouais. Et si tu regardes un jeu comme Watch Dogs qui doit en être à son 15e ou 20e trailer, Bien sûr, hein. mais en fait, les trailers de Watch Dogs ils coûtent rien. Parce Comment que ça, c'est il des coûte trailers rien? qui sont faits par Ubisoft, qui sont diffusés sur net, et dans les faits, ça coûte vraiment juste les 3 heures qu'il faut pour éditer la séquence. Ouais. Alors que GTA, ce qui coûte cher, c'est pas tant le matériel promo, c'est là où ils le mettent. Comment Parce ça, qu'il tu veux dire les y a très lieux, les très peu de jeux emplacements? qui ont des publicités dans le métro, des publicités au cinéma, D'accord. qui vont faire de l'affichage. Et en fait, c'est pas tellement les trailers qui coûtent de l'argent, c'est de pouvoir les mettre vraiment en gros sous le nez des gens toute la journée. Ah d'accord. Ah, genre à Central Park ou genre de choses quoi. Ben, par exemple, GTA, ce qu'ils font tous les ans, enfin tous les ans, non, tous les Ah, 5 ans quand ils sortent un jeu, exactement. c'est qu'ils peignent la triple façade d'un hôtel. Ouais. En plein à Los Angeles, une espèce de fresque de 200 mètres de haut, Ouais. et ça coûte très cher en fait. Et si D'accord. tu réfléchis, essaie de penser à quel jeu t'as pu voir dans le métro parisien en 4x3, et tu verras qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 5-6 par an. Ouais, tout à fait, ouais. Non, mais c'est vrai que ce sont surtout des jeux, tu sais, avec une affiche un peu cinématographique. Tu vois le genre? C'est-à-dire quand Ouais, tu peux mettre un homme avec un flingue, si possible, ou genre de choses, quoi. Je pense à The Last of Us, je pense à Heavy Rain, hein. D'accord, et très certainement Beyond Two Souls de David de Quantic Dream bientôt, et ce genre de choses, ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, mais après, 120 millions, je t'avoue que c'est beaucoup, ok, c'est ok, mais si on est quand même sur du 120 millions, moi je pense au film, d'accord? Mais je sais que pour les films, je pense que Take-Two le fait aussi, c'est-à-dire qu'ils te paient des soirées, ils font peut-être 2-3 petites soirées, ils font du si, lobbying, quoi. voilà, avec des petits fours, genre de choses, mais les acteurs aussi, tu les fais voyager. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un film avec, je sais pas, Johnny Depp, un film avec des pirates, sans le nommer, quand tu fais la promotion de ce film-là et que ta promotion te coûte 100 millions de dollars aussi, pareil, que ton marketing te coûte 100 millions de dollars, c'est parce que aussi tu fais voyager Johnny Depp, son attaché de presse, son machin, son truc, que les mecs vont faire le tour du monde pendant 4 mois, tu vois, ils vont dormir dans les hôtels 4 étoiles, et là je comprends effectivement que l'addition monte. Mais pour GTA, ouais, t'as les mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que Pirates des Caraïbes a aussi les mêmes emplacements qu'un GTA. Bien Mais sûr, pourquoi est-ce qu'il y a une inflation sur GTA? Alors j'ai l'impression justement que dans le cinéma, les mecs font quand même voilà bouger les acteurs, bouger des équipes, qui doivent faire manger, qui doivent faire dormir, et en plus à chaque projection, tu vois, parce que là on parle de projection, et il faut aussi payer les petits fours et ce genre de choses, tu vois. Et ils je ont des sais frais de pas. fonctionnement, oui, ça. Voilà. Ouais, mais je ne sais. Et j'ai l'impression que, voilà, malgré ce que tu dis, Ben, d'accord, ça reste quand même. Il y a quand même une inflation, là, dans les coûts. Après, on n'a peut-être pas les chiffres exacts, hein, Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a sûr, ça, on les aura malheureusement jamais, parce qu'ils aiment bien garder ça pour eux. D'accord. Mais j'ai l'impression que pour GTA, il y a une vraie stratégie matraque, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment pas faire de bruit. Et pendant deux semaines, ils vont être partout. Et je suis sûr que dans une semaine, les affiches, elles seront plus là. Dans une semaine, les pubs télé, elles seront plus là. Il y a vraiment. Je pense c'est un feu d'artifice où il y aurait juste un bouclier final, en fait. Blitzkrieg, quoi. C'est exactement. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi, en fait, ce qui m'étonne, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'éteins la télé, parce que c'est, j'en ai marre, tu vois. Puis on se bootframe. Enfin, la pizza est en train de chauffer, là. Ça arrive. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que. Tu lis Le Parisien, enfin aujourd'hui en France ou je sais pas quoi là, tu vois. Tout à l'heure là, je sors, je vois la une du Parisien, c'est quoi? C'est GTA, violent, sexe et machin, tu vois. Donc moi, c'est ce que j'appelle en plus une mise en abîme de la putasserie. C'est que t'as la une du Parisien où il te parle un cambrioleur a tiré 53 fois, tu vois. Un chien s'est perdu, tu vois. Et ensuite, il vient de te parler de GTA et du sexe. Bon, tu dis bon. Il y a quand même une mise en abîme assez... Enfin, ils viennent dénoncer, voilà, simplement. C'est ça, c'est... Tu vois, ce qu'on retrouve dans GTA. Et là, je me dis, bon, les mecs, vous n'avez pas honte. En fait, c'est ça, c'est que GTA est un jeu dans lequel les médias sont satiriques, et maintenant, même les médias du réel sont satiriques, sauf qu'ils s'en rendent même plus compte. Ouais, ouais. C'est la réalité qui a rattrapé GTA, en fait. Tout à fait. Et j'ai écouté aussi la radio, c'est-à-dire que t'entends Jean-Michel Apathy, que vous connaissez, à mon avis, depuis Le Grand Journal, tu vois. Qui fait sa chronique sur RTL, et même Jean-Michel Apathy, qui doit avoir moins 60 balais, tu vois, vient nous parler de GTA. Et ensuite, j'écoute France Culture, et là encore, il nous parle de GTA. Tu vois, bon, après, là, tout le monde parle de GTA, là, le monde entier a entendu parler de GTA. Ouais, en fait, mais ce que je veux dire, c'est que ça, pour moi, c'est de la publicité gratuite. Et c'est cette publicité que j'ai, quand tu parles de matraquage, Ben, j'ai l'impression que cette publicité, là, qui m'affecte le plus, c'est que Apathy en parle, c'est que Le Parisien le montre en une, tu vois. Et c'est qu'en plus, je pense qu'il doit y avoir des journaux, des magazines genre L'Express ou des conneries comme ça, tu vois, qui doivent toujours titrer sur la violence en parlant, tu sais, en rebondissant un peu là-dessus, comme si les incidents qu'on avait connus un peu d'ordre communautaire, ce genre de choses, tu vois, avaient besoin, tu sais, de GTA pour s'exprimer. Donc, je ne sais pas si Trappes et autres, voilà, banlieues et autres incidents à Marseille, dans les lieux comme ça, tu vois, ont besoin de GTA. Donc, eux rebondissent un peu là-dessus. Mais j'ai l'impression, en fait, que c'est ça qui m'impacte le plus. Plutôt que de savoir que t'as une affiche dans le métro, tu vois. Les affiches dans le métro, finalement, tu les regardes plus. Alors, moi, je voudrais poser une question à Benjamin. D'après toi, pourquoi tout le monde en parle, en fait, tout simplement. Alors, c'est, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas que lié aux jeux vidéo. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Genre, tout le mois d'août, il y a eu 5 magazines différents qui ont fait leur couverture sur Léa Seydoux. Les quoi ? 5 magazines différents qui ont fait leur couverture sur l'actrice Léa Seydoux. Ah, je crois que c'était une marque de jus, tu vois. Non, mais c'est pour dire que j'ai l'impression que les médias sont auto-cannibales. D'accord. Que quand quelqu'un parle de quelque chose, il faut que les autres en parlent, sinon ils ont l'impression d'être. D'être doublés, en fait. Sur l'info, sur le. En fait, ouais, on en parle parce que d'autres en parlent, il faut qu'on en parle pour qu'on n'ait pas l'air stupide. Et il y a cette espèce d'enchaînement qui est là, il suffisait de voir par exemple sur Twitter le jour de la sortie de GTA, même les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, même les petites meufs, même tout le monde a essayé de faire sa blague sur GTA toute la journée. C'était, il fallait faire le tweet sur GTA alors que c'est des hommage gens qui ne savent même pas ce que c'est. Ouais. Et il y a cet effet de moutonnerie où. mais c'est vrai, c'est pas faux. Et quelque part, c'est pas désagréable quand on prend ça d'un point de vue un peu philosophique, où on se dit que voilà, pendant une fois dans l'année, tout le monde a parlé de jeux vidéo. Même si c'est pas pour les bonnes raisons, même si c'est de manière complètement conne, tout le monde a parlé de jeux vidéo. Ça arrive jamais. Et voilà. Pourquoi ça arrive à GTA? Pourquoi ça n'arrive pas aux autres jeux, tu vois? Et qu'est-ce qu'il a de plus? En fait, j'en parlais avec les copains de quels sont les jeux qui sont perméables dans les médias. C'est-à-dire quels sont les jeux dont la presse va parler, et il y a quoi? Il y a GTA, Tomb Raider et éventuellement Call of Duty. C'est tous ça a été les premiers jeux adultes il y a 10 ans. C'est les premiers jeux dont la presse a parlé et c'est les jeux dont la presse se souvient, en fait. Est-ce qu'ils s'en souviennent parce que il y a eu un carton monumental, parce qu'ils peuvent donner des chiffres, on bat des records non seulement de ventes, mais aussi de budget. Est-ce que c'est parce que c'est comment dire qu'il y a la polémique autour de tout ce qui est des thèmes évoqués dans le jeu, donc sexe, drogue, violence et compagnie. C'est quoi la recette, en fait? En fait, tout ça, c'est ce qui a permis, je pense, la toute première fois de fasciner les gens. C'est-à-dire quand on a parlé de GTA, on disait voilà, c'est un jeu où on peut tuer des putes et leur prendre leur argent et tout ça. Et en fait, je pense que c'est devenu un morceau de notre culture commune. C'est-à-dire que ma mère, elle sait pas ce que c'est GTA, mais ça lui dit quelque chose. D'accord. Et donc c'est quelque chose qui c'est un jeu qui appartient au socle. C'est comme j'ai jamais vu Citizen Kane, mais quelqu'un peut me parler de cinéma, parler de Citizen Kane, je fais ah ouais, je vois ce que c'est. Ouais. Et même si Skylander brasse plus d'argent que GTA, le je peux demander à n'importe quel journaliste, je lui dis hey, tu connais Skylander, il connaît pas, parce que ça fait pas partie de son imaginaire en fait. Le truc des figurines là. Ouais, et je pense que en fait GTA fait partie de l'imaginaire commun entre guillemets de tout le monde. Ouais. Parce qu'on était tous là quand ça a explosé en fait, et donc on s'en rappelle. Je pense que c'est quelque chose qui dépasse juste le jeu vidéo, c'est devenu un morceau de culture en tant que tel. Et surtout, c'est vrai que même si je vais adopter un point de vue franco-français, enfin quand je dis franco-français, voilà, quelqu'un qui vit en France et qui est au confluent de tous les, enfin voilà, qui est tout simplement au confluent de toutes les informations qui sont balancées par nos médias, c'est aussi un jeu qui a beaucoup servi justement à essayer de comprendre les espèces de phénomène de violence chez les jeunes, puisque GTA est un jeu qui a déjà une dizaine d'années maintenant. Enfin, quand je dis une dizaine d'années, je parle de la version 3D, hein, je ne parle pas de la saga GTA, un peu comme Metal Gear. Tu sais, t'as les Metal Gear et t'as les Metal Gear Solid. Ouais, mais donc, ça remonte déjà plus loin. Il y a le GTA 2D et il y a le GTA 3D quand même. C'est parce que le premier épisode, je crois, qui avait été censuré, hein, il me semble. Ah oui, le premier. Déjà à l'époque, Télérama pétait les plombs, les politiques, on pouvait plus, c'était. C'était une affaire d'État presque. Ouais, mais c'est vrai que. Le fait que ça ait perduré, ouais. Justement, ça renforce cette idée de. Eh ben, on s'en fout de l'autorité et peut-être que les gens, en fait, ont un attachement là-dessus et voilà, peut-être que c'est ça aussi qui a permis. Bah, c'est sûr. Ça a permis d'accroître la notoriété de GTA, tout simplement. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que. Il y a 10 ans, donc ça a servi de marchepied, comme on dit, aux hommes politiques, aux médias, tout ça, qui voulaient parler de la violence. Maintenant, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais un peu des incidents de trappe, etc. Et c'est pour ça que je parle d'un cas franco-français, hein, d'accord ? Parce que c'est comme ça que moi, je le vois, en tant que Français, de France. C'est que on a bien vu, effectivement, qu'il s'était passé des violences, que ce soit même, tu sais, que ce soit avec les supporters du PSG, effectivement, avec des mecs de banlieue, des machins, des délinquants qui s'étaient mélangés, tout ça. C'est que on a bien compris aujourd'hui que la violence, en tout cas à cette échelle en France, ne pouvait plus venir des jeux vidéo. Je dis pas qu'il y a pas une, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas une influence, mais en tout cas à ce niveau-là, à cette échelle-là, ce n'est pas le fait d'avoir joué à GTA qui va faire en sorte que des mecs vont caillasser un commissariat. Voilà, tout simplement. Parce qu'effectivement, tu as des tensions communautaires, ce genre de choses. Et ce qui m'étonne, c'est que les médias ne sont plus dupes de ça, et ils savent également que le public n'est plus dupe de ça. Et pourtant, ils abordent toujours GTA sous l'angle de la violence. Donc quand tu parlais, Ben, tout à l'heure, de côté, ça fait partie de notre inconscient à tous, enfin, de la culture populaire. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi le présenter encore sous l'angle de la violence, et ne pas le présenter comme un simple jeu vidéo, tu vois, alors que voilà. Personne n'est dupe. En fait, j'ai une théorie très méprisante pour la presse vis-à-vis de ça, ouais. Qui est que je pense que la presse ne joue pas à GTA en fait. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a un nouveau GTA qui sort, ils vont dire ce qu'ils ont dit la dernière fois. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le journaliste du Parisien, je pense pas qu'il ait joué à GTA 5 déjà parce qu'il a pas pu se procurer le jeu à temps. Ah non. Si et... Julien Chiez l'a pas eu. Le mec du Parisien l'a pas eu à temps, c'est pas possible. Exactement. Mais je pense que la presse s'auto-mange en fait. Elle fait de l'auto-cannibalisme. C'est genre GTA sort. Qu'est-ce qu'on et en fait la presse, un journaliste qui ne joue pas un jeu, il va se renseigner et donc il va aller chercher dans les archives de la presse, il va trouver ses articles sur la violence GTA et du coup quelque part c'est ça s'auto-alimente et les seuls qui vont dévier, ça va être peut-être la nouvelle génération ou ceux qui sont un peu joueurs ou ces choses-là. Ouais, sur France Culture, c'était assez. Enfin, le mec a fait une petite chronique vite fait en 5 minutes. Bon, on sent que voilà, c'était autre chose. Ouais. Après, il y a des médias généralistes qui connaissent aussi un petit peu le jeu vidéo. Je prends l'exemple de Chloé Wattier qu'on a interviewé là pour notre site. C'est pas du tout comment on dit ça. De l'autopromo condescendant, enfin non, ouais, je sais plus comment on dit. Oui, je suis pas assez doué en français. Tu la connais ? Ouais. D'accord, mais elle a l'air assez. Enfin, de savoir plutôt de quoi elle parle, a priori. Hein, ouais, mais t'en as un. Elle fait partie d'un média généraliste. Tu vois. Qui est Le Figaro, je crois. En fait, elle fait partie du Figaro, mais la rubrique jeux vidéo du Figaro, elle est le plus souvent cantonnée au site web, au figaro.fr. Oui, voilà. Ouais. Et il va y avoir les meilleurs papiers de cette rubrique qui vont se trouver dans le Figaro. C'est-à-dire que quand quelqu'un comme Chloé ou une autre personne de son équipe va tester un RPG japonais, ça va se retrouver sur figaro.fr. Et quand ils vont tester quelque chose qui fait partie de l'imaginaire commun comme GTA, ouais, ça va se retrouver dans le Figaro. Et donc, effectivement, tu as l'impression que la presse ne parle de jeux vidéo que pendant les gros jeux. Si effectivement le Figaro a publié un article sur Ni no Kuni au moment où c'était sorti dans sa version papier, ça serait un peu différent, mais malheureusement la presse laisse pas encore toute la place qu'il faudrait aux jeux vidéo. Ouais, c'est pas un média, on va dire, respecté, alors que économiquement c'est quand même ce que ça peut engendrer. Et je pense que c'est là aussi qu'on est encore en retard par rapport aux Américains ou aux Anglais ou ailleurs, c'est qu'on ne prend pas ce média assez au sérieux. Mais c'est vrai que l'angle que tu viens de citer est amusant, parce que effectivement ceux qui ne parlent pas de GTA sous l'angle de la violence, parce que t'as quand même 2-3 mecs qui ont compris que c'est pas une sortie de GTA tous les 5 ans qui faisait qu'il y avait 40 000 voitures brûlées en France chaque année, tu vois. Donc voilà, donc ces mecs-là se sont dit bon, on va quand même pas prendre nos lecteurs pour des cons. Et ceux-là effectivement te prennent GTA sous l'angle des chiffres, en te disant c'est un jeu qui a rapporté 800 millions en un jour, je sais pas quoi, c'est plus qu'un tel, c'est mais deux fois moins qu'un Mais mine de rien, la meilleure presse qui va te parler de GTA, ça va être la presse financière, ça va être ouais, les échos, ça va être ces gens-là, parce qu'ils vont te faire un papier business sur le truc. Tout à fait, ouais. Et bon, moi je vous parlais, effectivement, moi j'ai pas trop l'intention de jouer à GTA 5, bon après si ça arrive, c'est comme le mariage, des fois ça tombe dessus, tu sais pas. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je pensais en plus que dans la communauté des gamers, quand j'allais sur les forums, les Gamasutra, j'en sais rien, tu vois, j'allais me retrouver un peu à l'abri de tout ça. Bon, ça, c'est assez récent. La presse réagit au moment où le jeu arrive. Il n'y a pas de souci. Et les médias, etc. Mais je suis aussi étonné que dans la communauté des gamers, il n'y ait pas, justement, de critique réelle, tu vois, ce que je veux dire, autour de GTA. J'ai l'impression que tu ailles sur NeoGAF, que tu ailles... Enfin, moi, je fréquente plutôt des sites anglophones, hein. Mais que tu as effectivement donc sur NeoGAF, sur Intel, sur Intel, sur Intel, t'as l'impression qu'il y a une sorte de consensus autour de GTA et que tout le monde, tous les joueurs doivent jouer à GTA. Et j'ai l'impression que si demain, toi tu dis, comme moi, hein, bah, finalement moi j'ai pas l'intention de jouer à GTA, les mecs vont dire, t'es pas un bon gamer, t'es pas machin, tout ça, tu vois. Moi j'aime beaucoup le principe de GTA, d'accord, j'ai beaucoup de respect pour le travail des frères Hauser, pour ce qu'ils ont réussi à bâtir. Mais j'ai l'impression que dans GTA, ils se foutent réellement du côté un peu gameplay. Quand je dis gameplay, c'est pas dire faire du ski, faire de l'avion, tirer sur des gens. C'est dire, j'aimerais que ce que je fais dans ces espèces d'espaces de liberté ait un impact sur le scénario. Alors après, c'est pas pour devenir le prochain Walking Dead, je suis d'accord. Mais je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de voir quelqu'un qui va effectivement dans une cinématique, enfin pas dans une cinématique, mais moi je vais aller tirer sur des grands-mères. Et la cinématique démarre, le type te dit « oui, je suis dans la rédemption », etc. Tu vois. Et ça, c'est un problème qui est pour moi récurrent, que Rockstar ne tente pas de résoudre, de toute façon. C'est ça, et qui est un défaut majeur. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai l'impression que les gamers auraient pu me protéger de ça, en étant critiques à propos de GTA, mais même les gamers, en fait, ne sont pas... Enfin, je dis pas tous, hein, mais globalement, quand même, l'immense majorité de ceux qui s'expriment ne sont absolument pas critiques. Et t'as l'impression que tu deviendrais une sorte de paria si tu n'acceptais pas et si tu n'entrais pas dans la secte de ceux qui jouent à GTA, au moins durant les, tu vois, au moins que tu fasses l'effort d'y jouer. Peut-être que tout simplement, jours, c'est pas du tout la vocation de GTA, tu vois, d'avoir une certaine cohérence. On t'a un scénario, t'as des points, c'est un monde ouvert, donc tu enclenches une mission, t'en enclenches une autre. Ouais. Mais le tout n'a pas la prétention de dire quoi que vous fassiez dans la ville, le personnage va. Ah ouais, mais d'accord. Oui, mais d'accord, mais pour moi, ça fait que au final, quoi qu'ils fassent, et je trouve que techniquement c'est très bien et c'est absolument admirable ce qu'ils sont en train de faire, mais je trouve tout simplement que on aurait pu, enfin voilà, que j'aurais pu trouver une espèce de bulle de tranquillité auprès de la communauté des gamers critiques. Le problème, c'est que j'ai pas l'impression que t'es des gamers profondément critiques. Je pense qu'il y aura une critique de GTA, mais genre dans 2-3 semaines quand ça sera calmé. D'accord. Que là, en fait, GTA c'est un des rares jeux où tout le monde va se mettre d'accord pour dire que c'est trop bien. Mais, c'est-à-dire que quand un nouveau Call of Duty sort, il va y avoir les pros et les anti. Quand oui, un nouveau ça FIFA sort, il y aura les pros et les anti. Et quelque part, c'est quand même super usant. Moi, je vois ça en tant que consoleux où je m'engueule avec des gens pour le sport, quoi. Mmh. Où je dis ton jeu c'est de la merde, lui ton jeu c'est de la merde. Et là, on a un jeu qui met voilà, pendant pas longtemps, tout le monde d'accord, et quelque part, je crois que ça soulage un peu tout le monde de pouvoir se dire, on va tous jouer au même jeu, on va tous dire que c'est bien en même temps, et après, une fois qu'on aura fait ça, je pense qu'il va y avoir un espèce de retour de bâton. Je pense que d'ici 2 semaines, 1 mois, tu auras tous les petits cons qui vont vouloir faire leur article. En fait, GTA V, c'était pas si bien parce que... Mais on aura eu ces 10-15 jours de grâce où personne ne se sera engueulé autour d'un jeu parce qu'on serait tous en train d'y jouer et à trouver ça bien. Après, non, mais après, tu vas voir l'intelligence de GTA V, justement, c'est que t'as le deuxième effet qui se coule, tu vois, si je puis me permettre. Ça va être le GTA Online, tu vois. Ouais, le 1er octobre, ça va en remettre une couche, mais ça va être... Le fait d'avoir différé la sortie du mode multi par rapport au mode solo, je trouve ça d'un génie marketing assez incroyable. Exactement. Puisque ça veut dire que dans 3 semaines, ils vont pouvoir refaire une campagne de com, remonopoliser l'actu, relancer les ventes du jeu. Je pense qu'elle va sortir toute seule, la campagne. Hein. T'as même pas besoin de le faire, tu vois. En fait, les mecs, ils ont réussi à trouver un moyen de sortir le même jeu 2 fois. Et ça, d'un point de vue market, c'est quand même assez génial. C'est très fort. En fait, oui, par rapport à la communauté des gamers, le fait que ce que moi je désigne comme une sorte de domptage, justement, en reliant ça à l'aspect marketing un peu, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont géré leur campagne, c'est le fait, ouais, de n'avoir balancé, comme je le disais un peu au début, que 3 screenshots et 2 trailers ennemis, tu vois, qui fait que les mecs sont tellement crève la dalle, tu vois. C'est parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'en fait, il y a tous ces jeux dans lesquels on n'est pas investi émotionnellement beaucoup, ils ont besoin de mettre la sauce. Ouais. Il y a un truc qui est quand même super frappant avec GTA, c'est que GTA n'est jamais au salon de l'E3. Ils s'en foutent prodigieusement. Ils sont jamais là, ils ont jamais de stand, ils ont jamais de conférence. Ouais. Ils sont pas là parce qu'ils ont pas besoin. C'est quand même le plus gros fuck you que tu puisses faire à l'industrie du jeu vidéo, c'est que tu vas pas au plus gros salon parce que t'as pas besoin. Ouais. Ils sont très très sûrs de leur force déjà. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ça, le fait de différer là, l'online, aucun autre jeu au monde, aucune autre licence n'aurait pu se le permettre. Tu fais ça sur un Call of Duty, mais Call of Duty, tout le monde l'achète pour l'online, tu vois. Bien sûr, je crois qu'il y a un pourcentage de gens qui touchent même pas le solo qui est hallucinant. Oui, carrément. Donc, tu vois, c'est vraiment le seul jeu qui pouvait le faire et il l'a fait, tu vois. Et personne ne dit rien, j'ai pas vu une seule critique là-dessus. Mais non, parce que et c'est ça l'avantage d'avoir un mode solo qui est quand même assez balèze, c'est que, mine de rien, on en a pour entre 30 et 40 heures pour finir le solo et donc. Ouais. Ça va nous occuper jusqu'à début octobre, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on sait si, par exemple, un Watch Dogs aura un mode multi ? Oui, il y aura un mode multi dans Watch Dogs. Ouais. Et ouais, tu vois, ça serait pas possible, par exemple, de faire un truc comme ça sur Watch Dogs. Pourtant, il y aura un mode solo très, très fourni, je suppose, ou suffisamment fourni. Oui, ils pourront pas différer la sortie des 2 modes, tu vois, c'est pas possible. Non, ça serait pas possible parce que en fait, s'ils font ça, et c'est parce que en fait, les gens connaissent pas Watch Dogs, mais si jamais tu sors le multi 1 mois après, les gens ils finissent le solo et ils le revendent direct chez GameStop. Et du coup, pour GTA, les gens sont prêts à attendre quand les gens ont fini le solo GTA, ils vont pas le revendre, ils vont attendre. Alors que pour un truc comme Watch Dogs, en vrai, Watch Dogs, le multi, je m'en contrefous. Je vais faire le jeu, je vais jouer au multi 2 heures et je vais le revendre parce que ça m'intéresse pas. Alors que GTA, je suis super curieux. Mais ouais, tout à fait. Je vais peut-être poser une question qui sera peut-être, se faire l'avocat du diable, enfin, se mettre un peu dans ce rôle-là. C'est tout simplement, vous allez peut-être trouver ça méchant, ou voilà, mine, comme on dit en anglais. Mais comment est-ce que le phénomène GTA s'arrêtera ? J'ai l'impression qu'il a tellement imprégné notre société, notre réel, la communauté des joueurs, le machin, Take-Two maîtrise à la perfection le marketing minimaliste auprès des gamers, d'accord ? Il s'arrêtera. C'est tellement minimaliste que tu te dis, comment peuvent-ils se planter un jour ? On a l'impression Je peux essayer de répondre. Je t'en prie. Alors, il s'arrêtera le jour où, alors on n'y est pas encore, le jour où ils les sortiront à moins de, 3 ans d'intervalle, ils sortiront des épisodes un peu plus réguliers, parce que t'as une sacrée attente quand même entre chaque épisode. Le jour où ils sauront pas quoi faire pour renouveler un peu l'intérêt du jeu, c'est-à-dire à force de rajouter du contenu, là on a le tout, d'accord. On a le San Andreas avec des graphismes PS3, enfin Next Gen, PS4, peut-être pas PS4, mais 360. Là, tu vois, il y a un certain intérêt. Ouais. Maintenant, si on te ressort dans 2 ans un GTA 6, juste parce que t'as changé de ville, là, tu vas te dire bon, voilà, et ils changent de skin. ils mettent 3 latinos et c'est fini, tu vois. Ouais, non, mais même, enfin, je suis pas persuadé que ça marchera aussi bien. En tout cas, il y aura pas le même battage. En fait, il y aura une usure. Oui, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est super tentant de se dire que ces choses comme ça sont trop grosses pour couler, too big, ouais, to fail. Too big to fail. Les Américains, mais il suffit. Mais une licence jeu vidéo, ça peut se péter la gueule. Il suffit de penser à Guitar Hero. Il suffit de réaliser que les trois derniers Call of Duty ont chacun vendu un peu moins que celui d'avant. Ouais. Et que mine de rien, en fait, personne n'est à l'abri. Il suffit soit que tu lasses les gens, soit que quelqu'un de meilleur arrive. Guitar Hero est mort parce que Rock Band est arrivé et les a tués. Ouais. Et en même temps, Guitar Hero est mort parce qu'on a vu trop souvent avec pas assez d'innovation. Et il faut et tout ça, c'est un équilibre qui est toujours un peu précaire. Ouais. Et même si je vois pas dans l'immédiat GTA se casser la gueule, ouais, c'est pas improbable à l'horizon 10-15 ans. Il y a jamais de certitude dans ces produits-là. Moi, je vois ce que tu veux dire. C'est parfait. Oh merde, il y a la pizza qui est bonne là. Et ça a sonné. Oui, on va se planter devant la table. Qui prend le pepperoni, enfin tu sais, le machin avec le fromage là. You know, ever since I arrived in New York,